Et je veux parler d'un cas concret où les femmes jouent un rôle très important dans ce phénomène de la mondialisation par le bas, c'est-à-dire cette mondialisation caractérisée de manière générale comme un courant transnational de personnes et marchandises qui implique des quantités relativement petites de capital et des transactions institutionnalisées, informelles, parfois semi-légales ou illégales, qui sont souvent associées aux pays en voie de développement, mais qui sont cependant présentes dans tout le globe. Cette mondialisation qui implique maintenant toute la base de la pyramide et prend place principalement, mais pas exclusivement, dans les pays du Sud, est représentée par des commerçants et des petits entrepreneurs qui travaillent de manière officieuse ou informelle, qui ramènent des marchandises neuves ou de deuxième utilisation, originales ou contrefaçons, dans des sacs ou des valises, en bus, en voiture ou en avion, à des clients dans tous les coins du monde urbain et rural. Pour articuler ces circuits populaires globaux, ils traversent des frontières et des continents, font des marchés sans intermédiation d'avocats, sans respect pour les copyrights et sans carnet de chèques, utilisant plutôt des ordres de paiement instantanés envoyés de leur pays d'origine qui peuvent être faits effectifs en proximité des fournisseurs. La mondialisation économique par le bas offre accès au secteur populaire à des flux de richesses mondiales que d'une autre manière ne serait pas à leur portée. En plus, elle offre des alternatives pour la mobilité sociale ou pour la survivance dans des pays qui ne sont pas capables de fournir des emplois dignes à ses citoyens. Alors, je vais montrer que cette mondialisation est encastrée dans un système de pouvoir local et national. Dans cette photo, la femme qui est au milieu et qui porte le drapeau s'appelle Guillermina Rico. Elle a été la leader de 20 000 vendeurs ambulants dans le centre historique de Mexico. Les femmes qui l'entourent font partie du Grupo de las Comadres, le groupe de commerce. Ces 30 ou 40 femmes lui aident à contrôler l'organisation des vendeurs, c'est-à-dire à distribuer des postes de vente dans la rue à chaque commerçant, à défendre un espace concret, une rue, à négocier avec les autorités de la ville la faveur de la tolérance en échange d'appui politique, à toucher les droits de sol qui doit payer chaque vendeur, à mobiliser politiquement les vendeurs en appui d'une cause ou d'un candidat. Maintenant, Guillermina Rico est morte. Ses funérailles seraient l'envie de n'importe quel homme politique. Après la mort de la leader, chaque femme de ce groupe de commerce dirige une organisation. Il y a eu une fragmentation des organisations. Les commerçants ambulants ont vendu trois types de produits d'un point de vue historique. Premièrement, jusqu'aux années 60, des aliments et des produits nationaux. Après, des produits de fayuca, c'est-à-dire cette petite contrebande. Ce commerce est formé provenant des États-Unis. Vêtements, produits électriques et électroniques, jusqu'à l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord. L'ALENA qui a commencé en 1994. Et finalement, les produits de la Chine, des vêtements, chaussures, synthétiques, CDs, DVDs, lunettes, sacs de main, montres, tous les produits de la globalisation par le bas. Et ma communication est divisée en deux parties. Une première partie qui traite de l'importance des femmes dans le commerce populaire et les sources de leur leadership, et la deuxième partie qui traite de l'organisation politique et économique de la globalisation par le bas. À gauche, vous voyez Guillermina Rico en train de distribuer des cadeaux le jour de l'enfant, le 30 avril. Et à droite, une manifestation pour la libération d'Alejandra Barrios, maintenant la principale leader des ambulants qui a été incarcérée pendant 3 ans à cause d'un conflit et de la mort d'une personne. Au niveau national, la moitié des micro-entreprises, 49, appartient aux femmes. Et le secteur d'activité économique le plus important pour les femmes est le commerce. Dans l'une de nos enquêtes sur un échantillon de 507 vendeurs, le 46% des postes de vente appartient aux femmes. Presque un tiers des femmes sont célibataires, la plupart d'entre elles, 87%, sont des mères avec des enfants. Le commerce populaire, informel, est une débouchée très importante pour les mères célibataires qui ne pourraient pas travailler dans les entreprises formelles, même s'il y avait des emplois, puisqu'elles ont besoin d'un travail flexible qui leur permette de concilier le travail de la maison et la garde des enfants. Ce travail est aussi très important pour les femmes divorcées, les veuves et les séparées qui ont besoin de dépendre d'elles-mêmes. Presque une sur cinq appartient à cette catégorie. Dans l'ensemble, presque 3/4 des femmes célibataires, divorcées, séparées ou veuves qui travaillent dans le commerce de rue ont des enfants à leur charge. Le niveau scolaire des femmes est plus bas que celui des hommes. Un tiers d'elles étudie à l'école primaire, un tiers est arrivé à l'école secondaire et le pourcentage d'hommes ayant des études techniques est plus élevé. Les sources de leadership et du commerce informel au Mexique, on peut l'expliquer par 3 grandes transformations, un changement démographique, une crise et changement du modèle économique et une transition politique. Au XXe siècle, le Mexique a passé d'être un pays peu peuplé à un autre très peuplé, de 13 millions d'habitants à plus de 100 millions d'habitants. Et la ville de Mexico a passé de 300 000 à presque 20 millions d'habitants et elle est devenue l'une des plus grandes villes du monde. Par conséquent, il y a eu une énorme pression sociale sur le marché du travail dans le pays et dans la capitale. Et il y a 3 débouchés pour les personnes qui ne trouvent pas de l'emploi dans l'économie formelle. La première, c'est la migration vers les États-Unis. Plus de 10 millions de Mexicains sont aux États-Unis et chaque année, plus de 300 000 traversent la frontière sans papier. Le deuxième, c'est l'économie de la drogue. Et le troisième, c'est la mondialisation par le bas à travers le commerce populaire. Le deuxième élément d'explication, c'est la crise et le changement du modèle de développement. Une crise de la dette de 82, une crise financière du peso de 94, qui ont poussé les autorités politiques, la classe politique, à changer de modèle de développement, c'est-à-dire de changer le régime d'accumulation, le mode de régulation et l'élection technologique, ce qui a abouti à établir des politiques néolibérales d'ajustement, une ouverture commerciale qui a eu de profonds effets sur les industries nationales, surtout la petite industrie, une flexibilisation du travail et une chute de l'emploi formel, c'est-à-dire, en général, ce qu'on peut appeler une salarisation restreinte versus une informalisation et précarisation élargie. Le troisième élément d'explication de la massification de la globalisation par le bas, c'est une transition politique qui a eu lieu à l'intérieur de la ville de Mexico. Le Parti révolutionnaire institutionnel, a perdu le contrôle, le gouvernement de la ville en 1997, et il y a eu un nouveau parti, et ce parti contrôlait de manière corporatiste tous les vendeurs ambulants. Il donner des faveurs contre un appui politique. Et le nouveau parti au pouvoir, le Parti révolutionnaire démocratique, qui était très critique au corporatisme, a promu le changement de filiation des vendeurs et l'implantation de nouveaux vendeurs par la voie clientéliste, c'est-à-dire une dépendance personnelle et pas corporatiste comme était pendant le prix. Et ça a permis une prolifération de vendeurs attirés par les nouveaux partis au pouvoir dans la ville. Et ce tableau nous montre qu'il y a presque 19 000 vendeurs ambulants regroupés dans 69 organisations. 35 organisations sont dirigées par des femmes et 34 par des hommes. L'organisation la plus grande est dirigée par une femme. Ici, dans la photo, on observe Guillermina Rico avec le son politique de Mexico. Les couleurs de cette photo représente les différentes organisations de vendeurs dans la rue. L'organisation de Guillermina Rico est née aux années 60, elle se développe aux années 70, elle arrive à son apogée en 80, aux années 80, elle tombe en crise au début des années 90, et surtout à la mort de la leader en 96. Elle est basée sur des rapports de marrainage. Guillermina Rico a été marraine de centaines d'enfants. Ce système de parenté est d'une grande valeur. Pour Guillermina, ça augmente son prestige et sa reconnaissance sociale, morale et politique. Pour les commerçants, ça leur permet d'obtenir des postes de vente, d'emploi et de conseils. Elle était sensible à la fragilité des mères célibataires et abandonnées, aux prostituées, et on a créé des réseaux sociaux et des associations volontaires. De ce système est née la plus puissante organisation de vendeurs ambulants, les Grupos de las Comadres. Ce groupe avait la responsabilité la plus importante, et à la mort de la leader, plusieurs délégués se sont émancipés. Et l'organisation interne de ces groupes et de tous les groupes de vendeurs ambulants, en général, est composée d'un leader et de conseillers. Quand les organisations sont grandes, il peut y avoir deux ou trois conseillers, des assistants, des représentants, des percepteurs et après, les vendeurs. Ici, vous voyez le leader, la plus importante leader maintenant, avec la place principale de la capitale nationale pleine de vendeurs ambulants, c'est Alejandra Barrios, maintenant la plus importante leader des ambulants. Ici, vous voyez un conseiller. Les trois sources principales de conseillers, de leaders, sont des ex-universitaires, ex-fonctionnaires et des journalistes et des personnes de mass media. Ici, vous voyez un assistant d'une leader, en guarura, on les appelle en espagnol. Et ici, vous voyez le représentant de la leader qui l'aide à contrôler toute l'organisation. Et ici, directement, le vendeur ambulant. Ici, vous voyez les routes de la Fayuca, c'est-à-dire la Fayuca, c'est un nom qui veut dire commerce à la valise ou petite contrebande. Jusqu'en 1994, l'origine principale est nord-sud, c'est-à-dire l'origine des États-Unis. À partir de l'année 2000, l'origine principale est Asie, et tout particulièrement la Chine, d'une manière directe ou indirecte. Et il y a plusieurs acteurs de cette globalisation par le bas. Il y a des importateurs chinois, une centaine de Chinois au centre de la ville, parmi lesquels le 70% c'est des femmes. Il y a des agences de voyage qui organisent des excursions de Mexicains pour les faire connaître comment devenir des importateurs. Et il y a aussi des importateurs mexicains qui ont leurs représentants à Beijing et à Chibou et à d'autres villes de la Chine. La fayuca, c'est la petite contrebande, le commerce fourmi. Il y a aussi la grande contrebande. Pourquoi cette contrebande? Parce qu'au Mexique, il y a aussi dans d'autres pays, une protection illimitée pendant le modèle d'industrialisation par substitution d'importation. Et ça touche la qualité des produits, la variété des produits et le prix de ces produits. L'apogée de la fayuca a été des années 1970 jusqu'à l'ENA, c'est-à-dire 1994. Et c'est les produits électroniques et électriques, télévision, radio, magnétophone, calculatrice, vêtements, jouets, liqueurs. Après 1994, il y a cette fayuca des États-Unis, mais particulièrement vêtements d'occasion. Maintenant, on vend des vêtements d'occasion dans toutes les villes et les villages et à la campagne au Mexique. Et il y a une triangulation des produits chinois à travers les États-Unis. L'origine asiatique, il y a des produits légaux et des produits illégaux. Il y a une contrebande et contrefaçon de CDs, DVDs, électroniques, vêtements, bas de gamme, montres, chaussures synthétiques, jouets, lunettes, sacs à main, bijouterie, etc. Il y a deux explications pour cette globalisation. D'un côté, la Chine, avec les réformes économiques, l'entrée de la Chine à l'OMC, les coûts de production et les prix de vente. Et du côté mexicain, la fin du protectionnisme, la concurrence et la chute de la petite industrie, la crise de 94-95, le chômage et le commerce des produits chinois comme une alternative de survie. Et les acteurs de la globalisation par le bas, il y a des migrants chinois qui vont vers le Mexique et des Mexicains qui vont vers les États-Unis. Il y a des petits entrepreneurs, il y a des importateurs et des commerçants de rue. Ici, vous voyez deux personnages importants dans la photo d'en haut à droite. Maria Rosette, la leader des commerçants ambulants de Tepito. Tepito est la capitale de la contrefaçon à la ville de Mexico, un peu au centre-nord de la ville. Et il y a Anne Lang, commerçante chinoise. Elles se sont associées, on vend des marchandises à travers leurs commerçants de cette organisation. Et maintenant, les cartes de visite des vendeurs ambulants ne sont plus en anglais et en espagnol comme auparavant, mais en mandarin et en espagnol. Ici, vous voyez une vue aérienne d'un morceau de grand marché de Tepito. En conclusion, les cas des commerçants ambulants de Mexico montrent que la mondialisation par le bas, maintenant représentée principalement par les flux de marchandises chinoises qui traversent plusieurs nœuds, est en train de transformer les relations entre économie et politique. L'étude sur le terrain apporte des apprentissages et nous oriente vers nouvelles hypothèses. Le commerce dans la rue, dans le centre historique de Mexico, est le résultat de ce qui est en train d'arriver dans le contexte global et national, caractérisé par des transformations démographiques, économiques, sociales, technologiques et politiques. Quelques-unes de ces transformations sont de nature structurelle, tandis que d'autres sont liées à des changements démographiques et leur impact sur le marché du travail, qui à la fois dépend de la capacité d'un modèle économique à porte ouverte pour pouvoir créer des emplois. Donc, le secteur informel, spécialement le commerce à petite échelle et la migration vers les États-Unis, demeure le deux piliers du modèle d'ajustement par le bas. Depuis la crise économique de 1982, ces transformations ont créé une tension sur le centre de la ville où convergent les intérêts commerciaux, politiques et culturels dans ce qui jadis était le cœur économique du pays et qui toujours maintient une signification symbolique importante. Le commerce dans la rue est un mécanisme fondamental de la mondialisation économique par le bas. Dans le centre de Mexico, comme dans d'autres villes du Mexique et ailleurs, les marchandises de rue, le marchand de rue vend des produits légaux et illégaux, ainsi que des biens piratés et des contrebandes, de manière à pouvoir faire cela dans le cœur symbolique de la capitale mexicaine. Le commerce a besoin d'une organisation minutieuse, tandis que durant le modèle de substitution d'importation, tous les marchands étaient regroupés et disciplinés à travers un petit nombre d'organisations. Depuis l'arrivée du PRD au pouvoir dans la capitale, le nombre de vendeurs a cru et les organisations et le leadership se sont fragmentés. La moitié des organisations des commerçants, incluant les plus grands, ont à leur tête des femmes. Ceci montre leur importance dans ce genre d'activité et nous indique à quelles conditions sociales et familiales elles se trouvent. Forte présence de mères célibataires, adaptabilité face aux agences qui maintiennent l'ordre et des organisations administrées à travers des structures matriarcales. Le surgissement des leaders et des commerçants qu'ils représentent s'explique dans le contexte de trois grandes transformations : changement démographique, crise et abandon d'un modèle économique et la transition politique. L'énorme expansion du pays et de la capitale, alimentée dans le deuxième cas par l'émigration interne, a poussé des millions de familles à chercher des alternatives d'emploi par elles-mêmes dans les commerces de rue comme de boucher. La crise de la dette externe de 82 et les changements du modèle économique menèrent à une croissance significative du chômage et du sous-emploi. Ces facteurs ont fait augmenter le nombre de marchands de rue. De plus, la victoire pour la mairie du PRD en 88, d'un endroit qui fut contrôlé par les prix pendant plusieurs décades, divisa les commerçants en différents groupes et fragmenta leurs organisations. Le commerce dans la rue fait partie de l'histoire de Mexico depuis longtemps, mais ne se transforma en phénomène massif que depuis peu de temps. Les groupes de vendeurs sont solidement organisés et leur structure formelle a des niveaux hiérarchiques limités et une forte concentration de pouvoir chez le leader. Le leader fonctionne comme une charnière qui lie les autorités politiques, économiques et religieuses, avec des secteurs massifs les plus pauvres de la société, les migrants, les chômeurs, les sous-employés et n'importe quelle personne susceptible de rentrer dans le commerce informel. Le leader surgit de la nécessité d'organiser et réguler l'espace urbain et servent comme des agents sociaux définis par les marchands comme capables de donner et de prendre des points de vente dans la rue. Les leaders ont des fonctions d'assistance sociale. Ce qui appartient aux plus grandes organisations ouvrent des crèches pour les marchands avec des services de santé et alimentation, administrent des crédits pour le logement, ouvre des fidéicommis pour créer des programmes d'assistance sociale. Même les leaders de petites organisations aspirent à la concession ou la construction de terrains de sport, de gymnases ou d'écoles. La mondialisation économique a eu un profond impact quantitatif et qualitatif sur ce qu'on appelle des activités informelles comme résultat de la rentrée de la Chine dans l'économie mondiale. Des difficultés de l'État à faire valoir un État de droit malgré l'avance de la démocratisation et du niveau d'accès du commerce international que la révolution des technologies, des informations et de la communication ont permis. La profonde internationalisation de l'économie informelle en Amérique latine ne peut pas être réduite à un simple effet du marché provoqué par l'ouverture économique. Pour qu'elle puisse prendre place, il existe une forte imbrication de l'économie globale par le bas avec des formes de régulation sociale et politique informelle à échelle nationale et locale. On a essayé d'examiner à partir du cas des commerçants ambulants des centres historiques de Mexico quelques caractéristiques de cette mondialisation économique par le bas et du pouvoir à partir duquel opère le réseau du commerce informel des produits chinois. Bref, il existe une faible régulation formelle dans l'économie informelle où l'État n'a pas la capacité ou la volonté de réguler la fiscalité. Contrebande, contrefaçon, évasion fiscale, de contrôler de manière permanente l'espace. Il y a des vendeurs ambulants de rue, dans les centres de la ville, dans le métro, partout. Ni de faire respecter la régulation sanitaire, préparation et vente d'aliments sans permis. Cette faible régulation formelle est compensée avec une forte régulation sociale et politique informelle. Le système économique global non hégémonique est encastré dans un système social, culturel et politique local qui est basé sur une structure sociale traditionnelle, la famille et les réseaux sociaux, et sur des éléments culturels tels que le madrinazgo, le marrainage ou le parrainage, dont le groupe de las comadres a été le témoignage historique le plus important, lequel s'est manifesté dans le champ culturel à travers l'organisation de fêtes, cérémonies et pèlerinages. Et dans le champ politique, il est ancré sur des rapports corporatistes et clientélistes.